Bon mardi, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, dans notre émission consacrée à l'univers des arts visuels, on discute avec Isabelle Clermont qui présente Abîme du toucher, une installation dans l'aquarium, je pense qu'il l'appelle comme ça, puis dans la salle à manger du Cercle. Également, Fanny Hénon-Lévy est allée faire un tour à la galerie La Certe pour voir l'exposition collective. Elle va nous en parler. On discute aussi avec notre collaborateur, Raymond Poirier, qui, au-delà de son fort amour pour la bande dessinée, est à la tête d'une boîte de production qui s'appelle Parenthèse 9, qui fait dans la BD et les arts multi, qui va présenter avec plusieurs artistes en art visuel le projet Rouge Ketchup au Cercle 24, 25 et 26 mars. Raymond Poirier fera bien sûr sa revue de presse juste avant. Et le tout sera ponctué des suggestions de Simon Roy. Bonsoir Simon, bonjour hein, à ce temps-là. Oui, on est rendu à bonjour maintenant. Oui, ça fait drôle, hein, ça se défait mal des habitudes. Simon, aujourd'hui, tu nous fais écouter le résultat des ateliers d'art audio 2014 d'Éric Dorion. Oui, c'est ça. C'était organisé par l'organisme Folie Culture. Puis c'est des pièces donc qui vont être jouées. Il y a un événement de Folie Culture qui a lieu jeudi prochain. Donc c'est l'événement Beaucoup de bruit pour voir encore et encore. C'est donc l'occasion de faire la pendaison de crémaillère des nouveaux bureaux de Folie Culture. C'est situé juste en face de la bibliothèque Gabriel Leroy. Donc, c'est ça, c'est jeudi le 19 mars à 17h. C'est une soirée son et images. Donc, il va y avoir de l'écoute d'art audio. Il va y avoir des projections vidéo. C'est ça, la pendaison crémaillère de Folie Culture. Donc, moi, j'ai choisi 4 pièces en lien avec l'événement. C'est donc des pièces de Moya Jobin, Paré, Michel Vigé. Il y a Denis Godin et Jean-François Brochu. Donc, il va aussi avoir... ces pièces-là vont se retrouver sur un album qui va sortir jeudi. Donc, les auditeurs vont pouvoir écouter l'album. On va mettre le lien sur le blog de l'aérospatiale. J'aime ça, des primeurs comme ça, moi. Ben oui, c'est ça. L'album n'est pas encore sorti, puis on l'a. Voilà. Ben, Simon Roy, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Donc, on écoute tout de suite un premier extrait. C'est Denis Godin. On écoute la pièce « After the Holocaust » sur les ondes de CKRL. What do you want? Your blood all over me. Tous ces moments de drame, j'accueille Raymond Poirier. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Hey, ça fait deux fois que je me trompe. Un des deux. Oui, mais quand il fait clair quand même, on va user d'optimisme. Alors, je rappelle aux gens, en fait, si vous voulez explorer un peu plus avant les nouvelles qu'on va mentionner dans la revue de presse, eh bien, vous fallait faire un tour sur Facebook. Je les ai toutes mises sur Facebook cette semaine. Oh. Alors, facebook.com/aérospatiale, tout simplement. Peut-être on commence avec une nouvelle que j'ai un brin échappé, donc je tenais à la souligner. Oui, on n'était pas là la semaine dernière, voilà. Et c'est ça, c'était mi-février, donc j'ai encore un peu moins d'excuses. Oh. Alors, Diane Landry, qui a été lauréate du mois multi 2015, question de souligner et reconnaître la contribution artistique exceptionnelle de cet artiste de Québec aux arts multidisciplinaires et électroniques. Recto Verso a annoncé la remise du deuxième prix Moi Multi à Diane Landry. Alors, les travaux artistiques de Mme Landry qui sont l'expression tangible de ses œuvres que l'on aime qualifier d'inclassables, si je reprends les mots du communiqué. On dit d'elle qu'elle cherche avec intelligence à percer le mur des catégories et des idées reçues, qu'elle explore depuis de nombreuses années les possibles de la combinaison corps-objet-machine selon un principe de mise en mouvement qui défie parfois les lois de la gravité et des probabilités. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, vous êtes maintenant au courant. Sinon, une nouvelle qui est sortie et qui fait, disons, beaucoup jaser, c'est l'Auto-Québec. Devant la baisse de ses revenus, la Société d'État a pris la décision de suspendre son programme d'achat d'art contemporain. Une suspension qui va être en vigueur pour au moins un an, à partir du 1er avril prochain jusqu'au 1er avril 2016. Donc, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant et évidemment, en fait... Je veux pas me faire prophète de malheur, mais généralement, quand on arrête un an, ça devient une excuse après ça pour juste pas le renouveler par la suite. En fait, c'est un peu la crainte que j'ai face à ça. On rappelle en fait que la collection Loto-Québec a été lancée il y a 35 ans, qu'elle compte plus de 4900 œuvres réalisées par plus de 1200 artistes. Alors, c'est quand même pas rien. C'était une volonté à l'époque d'encourager l'art contemporain, de donner un coup de pouce aux artistes d'ici. Et aujourd'hui, c'est reconnu comme étant une des collections d'œuvres d'art les plus importantes au pays. Alors, évidemment, donc, on a décidé de faire ce retrait. Ça a suscité des réactions dans le milieu des arts visuels, des réactions évidemment plutôt négatives. On craint évidemment un effet majeur sur le marché de l'art québécois, tant pour les galeristes que pour les artistes. Alors, reste à voir évidemment quelle sera la nature de cet impact-là, mais on parle quand même de dépenses qui avaient été faites de 350 000 $ en achat d'œuvres d'art l'an dernier pour les artistes d'ici. On investissait d'ailleurs surtout dans des œuvres d'artistes émergents, parce que l'autre société d'État, Hydro-Québec, elle a aussi une collection d'œuvres d'art, mais qui s'attache plus aux artistes établis, donc il y avait un souci de complémentarité entre les deux collections. Alors, on qualifie de pause, mais donc dans quelle mesure on s'en sera, ça sera à suivre d'ici avril 2016. C'est ouais. En espérant que le suivi sera positif. Évidemment. Nouvelle plus cocasse, le Canada se joint à l'édition 2015 du Museum Week. 56 institutions canadiennes reconnues, différents musées, se joignent aux plus de 800 à travers le monde qui participent à cette semaine sur Twitter, en fait. Donc, c'est une semaine pour essayer d'amener une autre façon d'intégrer le public au musée, une autre façon de faire un dialogue entre le public et les institutions, et de le faire aussi peut-être différemment d'autres propositions comme ceux en lien avec le selfie notamment, et d'amener peut-être plus justement d'informations plus factuelles, plus historiques au bout du compte autour justement de ces institutions-là. Si d'ailleurs les gens veulent avoir la liste intégrale des musées participants, ben vous allez simplement sur museumweek2015.org. On avait parlé il y a quelques semaines du prix Scotiabank de photographie. Eh bien, on a maintenant la liste courte qui a été annoncée. Il s'agit de Raphaël Goldchain, d'Angela Grower-Holds et de Isabelle Ayer. Donc, c'est la courte liste, les trois artistes. Évidemment, il y aura remise de ce prix un peu plus tard. Alors, Goldchain, lui, est basé à Toronto. Et il a été reconnu particulièrement pour ses séries d'autoportraits, d'images de ses ancêtres, basées sur son expérience de la perte dans le cadre de l'Holocauste et des mouvements de population en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Angela Grower-Holds, elle, est reconnue pour son travail sur 35 mm où elle capture les femmes et les paysages dans une approche très, très atmosphérique. Et Isabelle Ayer, évidemment, pour ses montages digitaux grand format de paysages de banlieue avec justement une préoccupation en lien avec l'étalement urbain notamment. Puis on aura les résultats quand de ça, Raymond? Prochainement. Prochainement, 9 avril, pour voilà, être précis. Donc, on vous en reparlera au début mai. Oui. Et en terminant, petite mention au passage, frustré par l'organisation de la foire Papier 15 cette année, et des galeries montréalaises, membres de l'Association des galeries d'art contemporain, qui organisent pourtant la foire papier à chaque printemps, ont décidé de se créer leur propre foire en même temps que la foire qui est organisée par leur association. Est-ce qu'on sait pourquoi ils sont frustrés? Ben, essentiellement, ce qu'on critique, c'est le choix du lieu où l'événement va être organisé. Donc, il est organisé dans le complexe de Gaspé, dans le quartier Mile End, plutôt que se tenir au centre-ville. Alors, on critique ce choix-là et on dit que c'est trop loin, que ça ne correspond pas aux attentes. Alors, on a décidé simplement d'organiser une autre foire qui va s'appeler donc la foire Art contemporain pour tous au centre-ville sur le boulevard Saint-Laurent. Donc, pour justement s'assurer d'aller rejoindre des gens où ils sont. Alors, c'est essentiellement ça, au bout du compte, le nerf de la guerre dans ce qui amène justement cette décision-là d'organiser une foire en même temps qu'une autre foire. Alors, en fait, les galeries rebelles disent, regardez, faut pas voir ça, que je cite, comme une dissension. On n'est pas d'accord avec les décisions prises, alors on fait un événement qui répond plus à nos besoins. Et l'an prochain, il faudra que les membres soient favorisés, qu'on élargisse les formes d'expression. Alors, c'est un peu une forme de pression. On verra si l'événement sort gagnant, mais j'ai pas l'impression que ça risque d'être le cas, évidemment. Bon, mais on va certainement en reparler quand ça aura lieu, puis on aura l'occasion d'en rediscuter. Voilà. Voilà, ben Raymond, on se revoit dans quelques instants en compagnie de Frédéric Laliberté et Paul Brunet pour parler de ton projet Rouge Ketchup, de votre projet Rouge Ketchup. Voilà, on fait une pause audio, on écoute un extrait de la pièce Conteneur de Jean-François Brochu. On est de retour à l'aérospatiale. Comme je vous disais en début d'émission, ben vous le savez aussi, à chaque semaine, on dit Raymond t'anime la vie en BD vendredi prochain. Qu'est-ce qui s'y passe? Ben Raymond aussi a créé un organisme de... Comment tu me qualifierais ton organisme? Un organisme de rencontre, en fait, d'une certaine façon, où on part avec la bande dessinée comme matière première, comme pierre d'assise, et autour de ça, ben, on invite des artistes d'autres disciplines à venir proposer, à venir créer des projets en collaboration. Donc, l'idée un peu de sortir le dessin des planches, la bande dessinée des planches, et l'amener dans un contexte peut-être un peu plus performatif. L'organisme s'appelle Parenthèse 9. Voilà, et Parenthèse 9 va présenter au Cercle les 24, 25 et 26 mars le spectacle Performance, ou un là, la performance Rouge Ketchup avec une mise en scène de Jocelyn Pelletier. Il y aura Francis Desharnais au dessin, Éric Dorion à la radio, Frédéric Laliberté, tu t'occupes de la vidéo, de l'animation de... Oui, la vidéo principalement. Okay. Live. Voilà, ben bonsoir. Bonsoir. Bonjour, je me dompe pas, il fait clair. Bonjour. Et Paul Brunet également qui réalise pour le projet une murale. Bonjour Paul. Salut. Donc, peut-être pour commencer, là, moi, je suis pas tellement familière avec Red Ketchup, même si je connais le nom, j'ai déjà vu l'image. Là, c'est quand même assez emblématique, la BD québécoise. Est-ce que vous pouvez me le présenter? Mais Red Ketchup, en fait, c'est un héros emblématique de la bande dessinée québécoise qui avait été mis en scène dans le magazine Crow par Pierre Fournier et Réal Godbout. Les années 80-90, il y a eu des parutions magazine, ensuite des parutions album. C'est un agent du FBI... complètement fou, complètement sauté, qui est un agent problématique au FBI, donc il lui donne à peu près toutes les missions impossibles et qui réussit toujours à faire parce que il est indestructible, l'impossible n'est pour lui qu'un mot, et en même temps, ben c'est un type qui a clairement des problèmes mentaux, donc il est violent, il est paranoïaque, il est obsédé par différents éléments. C'est un patriote invétéré aussi qui croit en la majesté des États-Unis, et c'est une BD qui, bien qu'elle a été créée il y a déjà presque une trentaine d'années, au bout du compte, a extrêmement bien vieilli avec des préoccupations qui sont toujours extrêmement d'actualité. Frédéric, Paul, est-ce que vous connaissiez Red Ketchup? Est-ce que vous l'aviez lu? Vous étiez des fans? Moi, je l'avais, je le connaissais plutôt de réputation. Là, puis, comme moi, finalement. C'est ça qui m'a. Le projet m'a amené à vraiment rentrer dans les albums là, puis prendre connaissance de ce qui en est. Et toi, Paul, paraît-il que tu connaissais quand même bien? Ouais, je connaissais bien ça. Dans le fond, quand j'étais enfant, je lisais les magazines Crow. Puis justement, Red Ketchup, c'était une de mes bandes dessinées préférées. C'était assez spécial, disons. Puis en plus, c'est le dessin qui se rapprochait d'un petit peu Hergé, qui est dans le fond une de ses influences. C'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé aussi. C'est dans la bande dessinée québécoise, je te dirais que c'est pas mal dans mes préférés, là. Donc, j'étais vraiment content de faire partie de ce projet-là. Puis justement, à l'origine du projet, Raymond, je pense que je peux te poser la question à toi. Je pense que ça résulte d'une rencontre avec Éric Dorion, Paul Brunet. Tu avais l'idée de faire un spectacle multi? Oui, avec Éric Dorion et Francis Dernay. Enfin, on avait envie de créer quelque chose, justement, d'un peu plus performatif, dans un cadre qui était très différent des autres performances que Francis offrait à l'époque et offre toujours. Et on s'est dit, il faut une matière de base, justement, pour harnacher la création. Et on s'est dit, ben, il faudrait y aller peut-être avec un album. Là, on s'est mis à réfléchir et finalement, on s'est dit, ben non, on va y aller avec la série, avec Red Ketchup, parce que justement, il y a quelque chose dans les thématiques, dans la manière dont les éléments sont amenés, qu'il y a un côté très universel, il y a un côté inspirant aussi. Et en même temps, on avait envie d'essayer de lancer le projet sur un côté, si on parle d'anglicisme, un peu trash au départ. Alors, la bande dessinée correspondait aussi aux attentes qu'on avait, outre le fait d'être tous, à notre façon, un peu fans de la série. Mais là, vous avez dit, bon, on fait un projet, mais maintenant, comment vous avez fonctionné, là? Parce que vous êtes au moins 6-7 pour ça. Vous êtes organisé comment? Mais en fait, au départ, il a fallu monter l'équipe, aller chercher donc les gens. On a essayé d'aller chercher des gens avec qui certains avaient déjà collaboré. Éric avait déjà collaboré avec Frédéric. Paul et Francis se connaissaient. Paul et Éric avaient collaboré ensemble. Jocelyn Pelletier travaillait avec Éric aussi. Alors, on a été chercher donc un bassin de gens qui se connaissaient déjà, et dans l'espoir de profiter aussi des habitudes de travail qui étaient déjà installées. Et ensuite, ça a été quelques rencontres. Ensuite, essayer de proposer des développer un fil conducteur pour ce récit-là et que ça devienne le plus possible, du moins en ce qui me concerne, un terrain de jeu pour justement les artistes participants au projet. Et moi, je vais m'adresser justement aux artistes participants au projet qui sont présents. Frédéric, Paul, comment vous trouvez ça, l'expérience de travailler à partir d'un médium autre qui est ce à quoi vous êtes habitué? En fait, c'est que c'est la manière de procéder est un petit peu différente que dans les autres projets multi auxquels j'ai participé, au sens où là, c'est vraiment la thématique qui est le filon de base. Ouais. Puis après ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça selon nos expertises à chacun, nos intérêts à chacun. Fait qu'on va vraiment être capable d'aller chercher ce qui intéresse artistiquement chacun de nous dans nos médiums respectifs, mais aussi en entrelaçant nos médiums respectifs, comme par exemple avec Francis Desharnais, on est en train de former plein de dispositifs de vidéos live en utilisant des procédures que lui a mis au point pour ses performances à lui, puis que moi, j'ai mis au point dans un autre, vraiment autre esthétique. Ouais, ouais. Mais là, reste qu'on va comme combiner ça ensemble, puis on a la thématique pour ne pas s'éparpiller, disons, là. Mais ça devient assez éclectique, là, dans les différents tableaux qu'on a forgés là, dans ce spectacle-là, qui va être immersif aussi. Donc, on a comme Raymond disait, vraiment un terrain de jeu. Là, fait que c'est cool. Puis pour ta part, Paul, toi, tu as déjà réalisé la murale. Là, je pense que ça vient d'être terminé. Oui, c'est ça. Ça a été fait en fin de semaine. Puis c'est un travail, dans le fond, le travail un peu de murale comme ça, c'est quelque chose que j'exploite maintenant. Lorsque je fais des expos, souvent, j'utilise des tableaux, puis je mets ça avec aussi, c'est ça, des murales, pour que l'installation soit un peu plus dynamique, puis que ça donne un autre résultat. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais déjà fait. Sinon, la semaine prochaine, quand je vais rentrer un peu plus en résidence avec les autres, là, ça se peut que ça soit des choses pas mal plus nouvelles que je fasse avec eux. Tout est encore à improviser, je dirais. C'est ça, hein, parce que vous parlez au présent, au passé, mais vous parlez aussi au futur, parce que là, vous allez entrer en résidence la semaine prochaine, vous passez la semaine au Cercle. En fait, le travail a commencé cette semaine, donc c'est un peu dans l'urgence, d'une certaine façon aussi. C'est une création qu'on a choisi de s'imposer et de leur imposer, dans mon cas, ce rythme de création-là. Donc là, si je comprends bien, il y a la murale de Paul Brunet, il va y avoir les projections donc sur les différents écrans de Frédéric et Francis, j'allais dire Francis la Liberté, Francis Desharnais. Éric Dorion va certainement s'occuper de la portion audio. As-tu une idée un peu de ce qu'il va faire? En fait, ça va être inspiré aussi par les thématiques, donc on va suivre un peu les éléments qui vont être proposés d'un point de vue visuel, qui vont être appuyés d'un point de vue auditif, amplifiés d'un point de vue auditif. Il y a un jeu de ping-pong qui va se faire entre Frédéric, Francis et Éric, évidemment. Oui, tout à fait. C'est ça, ça va être vraiment... dans le fond, on est allé chercher certains points qui ressortaient, certaines ambiances qui ressortaient dans la BD. Comme? Puis, comme par exemple, la paranoïa, surtout des espèces d'ambiances qui sont faciles, ben pas qui sont faciles, mais disons qui sont inspirantes à aller développer d'un point de vue immersif, t'sais, pour englober vraiment les spectateurs, parce que c'est important de mentionner que c'est pas un spectacle qui va être sur une scène ou frontale, ça va être vraiment dans une salle qui va utiliser toute la salle, donc les gens vont pouvoir circuler. Au début, on avait pensé, est-ce qu'on fait des stations, est-ce qu'on fait un genre de parcours, mais finalement, ça va être un peu partout en même temps, donc ça va respecter un peu cette espèce d'oppression-là qui est présente dans la BD, très, très, très, je dirais, intense, là. Donc, c'est ça, ça va être vraiment... on va comme Raymond dit, se passer la balle de ping-pong, là, un petit peu d'un médium à l'autre, puis on va parfois être tout le monde ensemble, d'autres fois être chacun, là... Sur nos dispositifs. Puis j'imagine que l'idée aussi de travailler à partir des thématiques, c'était pour se donner une plus grande liberté tout en respectant l'univers de Red Ketchup. Oui, c'est ça. C'est pour avoir une espèce de scénario là, de base qui reste cohérent tout au long là, de cette espèce d'exploration-là. Paul, j'ai envie de te poser la question parce qu'on l'a dit tantôt, la murale, elle est terminée. Qu'est-ce qui a guidé tes choix dans ce que tu représentes? Ben, dans le fond, j'ai été inspiré par la bande dessinée en premier. Je suis resté dans mon style, puis j'en ai fait une certaine perception. Aussi, beaucoup ce qu'on parlait quand on s'est réunis quelques fois dans les derniers mois, là, dans le fond. Puis on parlait de certaines thématiques, justement, qui m'ont inspiré aussi beaucoup, comme un peu l'armée rouge... une atmosphère de dictature ou un peu de scène de crime. Fait que c'est un peu de ça que je me suis inspiré lors de la réalisation de la murale. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que tu disais, moi, ma partie comme murale, elle est faite. Maintenant, je vais voir là avec les autres. As-tu déjà des idées de ce que tu prévois faire? Ben, dans le fond, on a prévu un scénario. Puis je vais sûrement agir dans ce scénario-là quelque part. Sinon... pour le moment, c'est un petit peu flou encore. Ouais, c'est ça. Le travail n'est pas fini. En fait, c'est le visuel pour l'instant qui a pris le lead, si on peut dire. Ouais. Puis ensuite, le son va embarquer. Puis ensuite, on va voir dans la composition de l'espace aussi, parce que Frédéric parlait justement de l'idée d'oppression. Ouais. Il va avoir aussi une mise en espace qui va venir amplifier le travail que Paul a fait au niveau de la murale, qui va venir développer d'autres aspects, d'autres éléments. On a été beaucoup dans une perspective, j'ai l'impression, d'accumulation. Je pense que le terme est quand même viable. Oui, tout à fait. Je pense que, ben, en fait... moi et Francis, on va travailler beaucoup à partir de banques d'images. Donc, okay. On va avoir du matériel en masse, puis on va être capable d'envoyer de la vidéo qui va être différente dans un écran, dans un autre, superposer des vidéos, aller intervenir avec des gestes performatifs live sur, c'est vraiment analogue sur des projections vidéo, donc qui vont elles aussi être projetées parfois sur la murale de Paul. Donc, on va vraiment comme travailler par couche puis par juxtaposition là, de différents gestes ou de différentes interventions. Ce que j'en comprends aussi, c'est que cette dimension performative-là est appelée à évoluer. Là, il y a trois soirs. Bon, on est avant là, pendant le travail. J'imagine qu'il y a un côté happening aussi à tout ça, là, donc selon l'ambiance, selon les réactions du public. Ouais, moi, j'ai l'impression que ça va être un peu différent chaque soir, tout en suivant la ligne qu'on s'est écrite, là. Mais je pense quand même que ça va être appelé à être assez... Vu que c'est improvisé, là, ça va être des interprétations à chaque fois. Puis aussi, comme tu dis, la manière que le public va réagir, ça va aussi dicter un peu le ton. Vous parlez de ligne aussi, là. J'imagine que c'était un peu inévitable d'avoir une certaine forme de narration là-dedans, parce que au-delà des ambiances, c'est aussi une référence à la BD. Oui, puis c'est de jouer un peu avec les crescendo, en fait, je pense, de faire vivre quelque chose au public, de faire vivre une émotion, et que cette émotion-là, ce sentiment-là, en amène un autre, qui en amène un autre, qui en amène un autre. Donc, simplement de s'assurer qu'il y a une cohérence entre les différentes thématiques qu'on explore et de voir de quelle manière on peut lier ces thématiques-là. Donc là, on essaie de le mettre sur papier, puis ensuite, ben évidemment, ça va être le sonore et le visuel à exprimer cette jonction-là aussi. Dans un contexte où, avec la murale, ben on a l'aspect militaire qui va être omniprésent, évidemment, mais après ça, qui va venir être accompagné par justement les autres thématiques. Voilà, ben c'est déjà tout le temps qu'on a pour cette entrevue. Frédéric Laliberté, Paul Brunet, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Raymond, on peut suivre aussi, là. Moi, je savais que la murale était finie parce que je suis amie Facebook avec Paul Brunet, artiste en art visuel. Donc, si vous voulez le suivre sur Facebook, allez-y. Frédéric, t'es sur Facebook aussi? Oui, à mon nom. Frédéric Laliberté. Puis également, il y a des photos sur la page de Parenthèse 9. Donc, oui. Si on veut se tenir au courant de ce qui se passe, la progression, j'imagine que vous allez documenter tout ça? Oui, évidemment. facebook.com/parenthèse9, en lettres cette fois-ci. Voilà. Donc, Rouge Ketchup est présenté le 24, 25 et 26 mars au Cercle. J'imagine c'est au sous-sol. Au sous-sol. Voilà. Donc, l'invitation est lancée. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Fanny Hénon-Lévy. Salut, c'est Tyr le Coyote, parrain d'honneur du Radioton 2015 de CKRL. Soyez prêts à vivre une révolution tranquille les 27, 28 et 29 mars prochains. J'en arrache, problème de cash. La solution, lancer l'hameçon. Entre paranoïa, violence et héroïsme, l'univers du légendaire héros BD Red Ketchup, créé par Réal Godbout et Pierre Fournier, est imprévisible et déjanté. 5 artistes de Québec ont ouvert leurs âmes à cette folie pas toujours douce, le temps de lui rendre hommage avec Rouge Ketchup, une soirée multidisciplinaire unique en son genre. Rendez-vous au Cercle les 24, 25 et 26 mars, 20h. Billets en vente, $10 à la porte. Rouge Ketchup, une présentation de Parenthèse 9, en collaboration avec le Cercle, le Festival de la BD francophone de Québec et CKRL. Venez plonger dans un univers Rouge Ketchup. En collaboration avec le Bal du Lézard, CKRL présente Viva Zappa. Viva Zappa, le seul groupe québécois qui rend hommage à Frank Zappa. Viva Zappa, une soirée remplie d'humour et de musique, extrait des disques parus entre 1965 et 1978. Viva Zappa, le spectacle bénéfice du Radioton 2015 de CKRL, le 28 mars à 21h au Bal du Lézard. Mois de mars, c'est au Bal du Lézard que ça se passe. Le 7 mars prochain, à 21h, place au Texas avec The Texas Rednecks, une formation qui revisite le country, folk et bluegrass dans des compos originales reprises du répertoire américain. Le 14 mars, 21h30, Écuse, un trio d'exception au son unique, planant et atmosphérique. Le 17 mars, le Bal du Lézard voit vert. Venez festoyer pour la Saint-Pats avec The Stoots, le parti débute à 21h30. Ne manquez pas également tous les dimanches les matchs d'impro du Bal. Le Bal du Lézard, un partenaire majeur du Radioton 2015 de CKRL, informez-vous sur lebaldulezard.com. Le dimanche 29 mars, CKRL vous propose pour le Radioton une programmation étonnante avec des invités de marque. Daniel Boucher, Kevin Thompson, Mara Tremblay, Raton Lover, Pascal Picard et en émission de fermeture, Agnès Maltais et Tyr le Coyote. Cette journée vous sera présentée en collaboration avec la mesure Première Ovation qui donne aux artistes les moyens de créer et de vivre leurs premières expériences professionnelles et par la Caisse d'économie solidaire Desjardins. La Caisse d'économie solidaire soutient près de 3000 coopératives et organismes sans but lucratif partout au Québec. Nos gestes sont le poids inconcevable des glaciers. Aux Matins éphémères, on souligne la Journée mondiale de la poésie de belle façon. Berce mon cœur, flou des océans. Le vendredi 20 mars, entre 7h et 9h, 5 écrivains de Québec nous livrent leurs plus beaux textes. La création n'est plus rien que son visage dansé. Que de chercher la nuit, je me fais un esprit de bonté. Bernard Saint-Onge, François Gagnon, Lavie Chabon, Marie-Chantal Larose et Michel Bonelli. Les poètes du journal La Quête, vendredi le 20 mars, aux Matins éphémères. Samedi le 28 mars, CKRL vous propose, lors de son Radioton, une rencontre avec Paul-André Cassidy pour souligner ses 20 ans de carrière. Les Petits Matins menteurs, une véritable émission sur le faux. Un concours de recettes de curry Rice Krispies de la Folle Fourchette, et plus encore. Cette journée du Radioton 2015 vous sera présentée par Télé-Québec. Découvrez la chaîne culturelle de Télé-Québec sur le web, une plateforme vidéo unique qui réunit sous une même adresse les artistes de partout au Québec. Participez au concours La Fab branchée sur les talents d'ici. Jusqu'au 27 mars, visionnez les 10 vidéos régionales et encouragez nos créateurs en votant pour celle de Québec. à gagner un iPad Air 2. lafabriqueculturelle.tv/concours. Les jeudis 9h, écoutez le 8e continent. Énergie verte, agriculture urbaine et activisme environnemental sont à l'honneur avec en vedette des organismes impliqués dans l'environnement. Cette émission est une présentation de la boutique Écoutantique. Écoutantique vous offre la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Écoutantique, 160 rue Saint-Paul, et pour en savoir plus, écoutantique.com. Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale, allez pas dire son titre d'émission. Bravo, Julie Gagné, qui est avec vous jusqu'à 18h30, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde et devant moi, qui me sourit d'un sourire resplendissant, Fanny Hénon-Lévy. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Oui, on va t'entendre, voilà. Fanny, t'es allée faire un tour du côté de chez Lacerre. Ça fait un certain temps qu'on n'en avait pas parlé. Une exposition collective. Une exposition collective, effectivement. On a 5 artistes. J'étais en train de recompter mes artistes. On a 5 artistes, somme toute assez différents, individuellement intéressants, avec évidemment, moi j'ai mes préférences aussi. On a Alain Bonder, Evelyne Boulevard, Laurent Guérin, Alain Lefort et Raphaël Soto. Licchio. Alors, des artistes avec une facture et des médiums différents, ouais, aussi. Vraiment, hein? Donc, on a Alain Lefort qui est photographe, qui nous présente. Je commence par l'expo à l'envers. Donc, Alain Lefort, est vraiment au fond de la galerie. Il nous expose deux œuvres, deux photographies qui s'appellent Mangrove. C'est des paysages photographiques quand même assez subjectifs, là. Le mangrove, c'est ce que je te disais, j'ai fait des recherches, c'est des écosystèmes de marées maritimes qui finalement aussi aujourd'hui sont en voie de sont quand même en danger, donc en dégradation dans certains endroits. Puis ils ont évidemment, comme tout écosystème, ils ont un rôle primordial dans, ouais, la retenue d'eau. Et il nous offre c'est de la photo, du photomontage. Je trouve que c'est assez plastique au début, c'est pas accrocheur tout de suite. On se demande, ok, cette photo là c'est assez bouché, c'est sans issue, c'est un paysage sans horizon, en noir et blanc, avec beaucoup de lignes, c'est très dense, c'est très et en même temps, plus on regarde et plus on rentre dans l'image, puis on se rend compte que cette image, elle est à la fois composée et décomposée. Je disais plastique parce que il la retravaille, elles sont retravaillées, il coupe, il recolle, parfois on voit des bouts de montage d'images. Donc c'est un travail qui se laisse pas faire tout de suite. Si vous allez voir l'expo, je vous conseille de rester un peu devant l'image, ouais, parce, ouais, qu'il on apprivoise. Exactement, elle est vraiment apprivoisée, c'est assez sauvage. L'univers est sauvage, l'univers représenté est sauvage, mais l'image elle-même est complexe aussi. Donc il traduit formellement la sauvagerie, finalement. C'est ça que j'ai trouvé intéressant chez Alain Lefort. Un de mes coups de cœur aussi, c'est Evelyne Boulevard, qui elle a plus un travail de dessin, de peinture. On est vraiment dans la technique mixte, qui est à la limite de la cartographie. On est devant des paysages soit urbains, soit naturels. Là en l'occurrence, c'est plutôt urbain. Et elle, son sujet de prédilection, c'est vraiment le territoire, ouais, et le paysage. Donc le territoire comme espace géosocial et indissociable des identités et des imaginaires collectifs, et le paysage plus comme une perception subjective d'espace naturel ou humanisé. Donc c'est intéressant, à partir de ça, comment elle se réapproprie le paysage ce qui est pas évident, réinventer le paysage, c'est en soi tout un projet. Et elle le cartographie, donc elle travaille dans un premier temps ses images photographiques et vidéographiques sur un support numérique. Puis ensuite, elle dessine ces images. Donc là, à décrire encore une fois. Il y a cette idée de réinventer. Donc il y a ce qu'on voit, ce qu'on a retravaillé, puis on retravaille ce qu'on a retravaillé. Donc là, on est à la limite assez loin là de l'image première. Ce qui est intéressant, c'est que elle veut à la fois en travaillant ces images photographiques, elle veut être objective sur son regard de ces paysages là, mais elle amène cette subjectivité en retravaillant du geste et corporellement donc là les urbanités scène 1 scène 2 avec sur l'une des aplats de blanc pixelisés, donc on comprend qu'on est en milieu urbain. Toutes les interprétations sont possibles là-dessus, mais la facture formelle de ces deux œuvres là traduit assez bien l'univers urbain. Est-ce que ce sont des œuvres récentes? Parce que ça fait un certain temps que j'ai vu le travail d'Evelyne Boulevard. Je me rappelle le détail. Elle est vraiment dans le détail. Qui est comme complètement ahurissant. Ça aussi, on est déjà dans un premier coup d'œil, on apprécie, mais quand on regarde le détail, en tout cas, j'étais subjuguée. Là. Écoute, je veux pas te dire j'ai pas la date. Je pense que c'est 2012, mais je suis pas certaine. Mais oui, c'est un travail quand même assez récent. Puis j'ai été voir ses travaux. Elle a vraiment une ligne directrice dans sa production. Donc j'ai envie de dire en résonance, mais pas vraiment, parce qu'on est vraiment encore une fois dans une esthétique complètement différente avec Raphaël Sottolicchio, qui lui aussi parle d'espace public. Donc c'est les espaces publics, c'est une série de lieux où des personnages apparaissent, ils semblent se rencontrer, mais en même temps il y a une absence dans ce travail là il y a une structure architecturale qui est très forte. Ouais. On est en peinture et puis ces silhouettes qui apparaissent, qui se fondent dans l'architecture, qui finalement se désincarnent dans des silhouettes très colorées. Très expressives. C'est assez expressif et en même temps c'est hyper froid. Ouais. C'est vraiment très très léché. C'est du dessin architectural, mais complètement intériorisé, complètement subjectif. C'est-à-dire que il va travailler sur des plans qui respectent plus ou moins les perspectives. Il joue justement avec ces espaces publics, cette perception-là. Et en tout cas, là encore, une réflexion sur le milieu urbain, sur un paysage urbain. Je parlais du travail d'Evelyne Boulevard. Ouais, ouais. Donc c'est ça. On a en ça, là, ça correspond, ça se répond assez bien. Pour ce qui est du travail d'Alain Bonder, on est sur de la peinture technique mixte avec des collages qui pour moi est un peu moins cohérent avec le reste des autres artistes exposés. Pareil pour Laurent Guérin, on a de la photographie. Laurent Guérin s'intéresse à la photographie. Actuellement, il fait il est en Inde, donc il fait une série. Sa photo est superbe. C'est très bien composé. Mais là, on a une série de trois photos avec un petit chien en gros plan. En tout cas, c'est intéressant, on pourrait très bien le rapprocher en disant qu'encore une fois là, on est dans le milieu urbain, puis que ça serait un peu mince. C'est un peu tiré par les cheveux, voilà, c'est ça. Donc on a une expo qui globalement rassemble des artistes forts, mais qui manque un petit peu de cohérence. Il y a un petit fil conducteur là, qui serait venu broder ça serait tout ça, aurait été très apprécié. Ça serait pas de trop. Sens-tu qu'on est comme dans une expo en deux entre deux noms? Je pense que oui. Je pense qu'on a mis des artistes. Oui, clairement. Voilà. Ben, Fanny et non Lévy, merci beaucoup. Salut, Julie. Donc, vous pouvez aller voir l'exposition collective, en fait. Je pense que c'est collectif, le nom de l'exposition. C'est chez la CERT. On n'a pas la date là, exacte. Là, on vous la mettra sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Donc, Fanny, on se voit bientôt. À bientôt. On fait une pause audio. On écoute Michel Vigé, un extrait de La Princesse. On est de retour à l'aérospatial. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis allée faire un petit tour au cercle pour voir l'installation Abîme du toucher d'Isabelle Clermont. Bonsoir. Oui, bonsoir. Abîme du toucher, donc c'est une installation qui est dans l'aquarium du cercle et dans la section restaurant aussi. Est-ce que c'est possible de nous parler de cette installation? Oui, tout à fait. L'installation qui regroupe en fait plusieurs médiums étant artistes multidisciplinaires. J'ai vraiment développé, comme on dit, une spécificité à réunir plusieurs médiums ensemble. Et Abîme du toucher, donc au cœur des profondeurs de l'âme, je vous dirais, s'exprime à travers une projection de vidéos d'art. Ensuite, on a une installation sculpturale de partitions musicales de chants sacrés exclusivement. Et ensuite, des œuvres encre sur papier. Et aussi, une installation assez particulière de petites mains de porcelaine qui se trouvent dans l'aquarium, ainsi que des encres sur papier marial, où, en fait, j'ai voulu qu'on voit que les mains et non plus le visage. Allô? Oui. OK, c'est bon. Je pensais que vous aviez terminé. Je sais pas ça. J'ai l'impression que j'entendais plus. Là. D'accord. Bon, l'installation, elle a été faite pour le cercle? Oui, en fait, c'est une installation qui est très... dans mes recherches actuelles, ça ne peut pas être plus frais que ça. OK. Donc, la directrice Caroline Simonis s'est déplacée là, directement dans mon atelier pour voir où j'en étais rendue. Et puis... De part et d'autre, ça nous convenait d'aller avec vraiment qu'est-ce qui est très très très chaud. Donc il y a deux trois dessins qui ont été faits les années précédentes, mais sinon c'est de l'installation in situ, vraiment créé, donc amalgamé au lieu du cercle avec l'architecture, et on suit si je pense à l'installation de partitions musicales qui suit la banquette et s'élève sur le mur quasiment jusqu'au plafond, c'est la même chose dans l'aquarium où c'est en fait ça a été créé vraiment pour le lieu. Vous avez parlé justement de l'installation des partitions de musique sacrée. Oui. Pourquoi de la musique sacrée? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment une dimension spirituelle aussi là, derrière ça. Oui, tout à fait. Ma démarche repose, je dirais, depuis de nombreuses années sur l'ancrage en soi, sur cette émanation de l'âme humaine, de qu'est-ce qui peut aller dans les plus grandes profondeurs, et c'est aussi de s'ancrer dans le rituel de la matière, de la manipulation de la matière, et puis le chant sacré, parce que j'ai aussi une dimension sonore dans ma démarche, donc étant musicienne performeuse, ouais. C'est sûr que tout ce qui a rapport au chant grégorien qui vient vraiment s'ancrer tel des chants incantatoires. Bon, ben moi, j'ai récupéré ça depuis environ 2 ans et toutes les partitions sont découpées en forme d'ogive. Donc, le recueillement que je fais moi-même personnellement dans les lieux sacrés, les performances sonores qui ont eu lieu là, ont nourri ma démarche installative, en fait. Voyons, je voulais dire quelque chose à propos de ça. J'oubliais, oui, vous avez parlé de répétition. On la sent beaucoup, la répétition dans le geste, par exemple, pour faire cette installation-là. Également aussi, là, dans la répétition, j'appelais ça mes petits bras tendus. Oui, oui! Dans la répétition des bras tendus ou encore dans émanation de l'âme, donc répétition d'une forme avec les émanations d'âme. C'est vraiment une manière, j'imagine, d'entrer en soi, cette répétition-là. Tout à fait. C'est une démarche en fait du corporel, hein, parce que j'ai un passé quand même d'athlète, comme on pourrait dire. J'ai fait beaucoup de marches sportives dans ma vie, qui étaient toujours reliées, donc les sensations des fluides intérieurs, qui étaient tout le temps reliées à la démarche de création artistique, où ça l'a finalement, ça a teinté mon mémoire de maîtrise que j'ai fait à l'Université Laval en 2009. Et le fait de s'ancrer dans le rituel vient automatiquement créer un discours avec soi et avec l'autre pour que ça devienne une œuvre contemplative, une œuvre de réflexion. Tantôt, je parlais des bras tendus. Je pense que l'œuvre s'appelle Installation in situ. Est-ce qu'il y a un titre ou que j'ai manqué? En fait, c'est vraiment Abîme du toucher. Ah, c'est donc, celle-là, Abîme du toucher, OK, spécifiquement. Ouais, tout à fait. Et puis, les petites mains en porcelaine, donc où j'ai beaucoup travaillé le rapport à l'enfance et le rapport à la main. La main qui est, qui est super importante dans le sens... je voulais qu'on oublie un peu le visage. Ouais. C'est pour ça la peinture dans les visages mariales et le rapport à la femme aussi, mais c'est que je voulais qu'on aille au-delà de cette connotation de l'apparence et pour dire que c'est plus au niveau du don, de l'offrande, de la synergie qui peut passer à travers le toucher. Donc, c'est vraiment pour ça les petites mains qui sont tout de blanc vêtues pour aller chercher une forme sculpturale, un paysage, je dirais même une espèce de paysage sonore à la limite, parce que quand on est... C'est drôle, parce que quand on est longtemps de faire cette installation-là, c'est comme un tableau qui peut vibrer, qui peut en fait être d'une très grande, je dirais d'un très grand silence, mais en même temps d'une très grande perturbation, tout dépendant de notre état. Oui, parce que moi, j'ai vraiment senti comme des gens qui essayaient de nous atteindre, mais qui avaient une sorte d'impossibilité. J'ai senti comme un petit drame. Oui, absolument. Puis, c'est pour ça que je gardais le blanc, parce que je me disais, bon, le blanc va aller dans la... va neutraliser les profondeurs de l'abîme, justement, va aller dans une espèce de pureté. Mais c'est vrai qu'il y a l'appel beaucoup à tisser des liens à travers ces petites mains-là, des liens entre les... Bon, la société d'aujourd'hui, moi, je suis pas une artiste qui dénonce des choses, mais veut pas, il y a les liens qui seront impossibles à faire. Il y a les mains qui essaient de se tendre en eux, qui essaient de former, malgré le chaos, l'ordre dans le désordre, à quelque part. C'est la loi de la nature. Donc, c'est vraiment d'essayer de sortir ou d'émerger dans chacune des choses. Si on regarde même l'installation de partitions musicales et même les images mariales, c'est l'émanation, c'est aller au-delà de... Alors, à travers ces petites mains-là, ils sont prises sur un mur noir, c'est assez paradoxal, du blanc sur du noir, donc il n'y a pas vraiment de zone grise à part avec, par exemple, la luminosité... par les éclairages du soir, mais on est dans une espèce de zone de tension. Oui, on sent qu'on est aussi entre la présence et l'absence, soit par ce qui manque des mains, par l'absence des visages, ou encore par cette musique qui est évoquée par les partitions musicales, mais qu'on ne peut pas entendre. Oui, effectivement, c'est comme si je laissais beaucoup, beaucoup de place au spectateur qui peut devenir à son tour le propre performeur à travers cette installation-là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a même une projection vidéo qui a été mise lors du vernissage où on entendait des respirations. Donc, entre l'intime et entre le déploiement complètement, je vous dirais, intense dans l'espace public. Oui, de laisser ces mystères, en fait. De pas tout dévoiler, mais de laisser le parcours au regardeur, au spectateur, d'aller plus loin. Donc, la partition musicale, des fois, il s'approche, il peut évoquer, il peut lire certains mots, parce que ce n'est pas que de la musique. Des fois, on peut lire certains certaines choses et qui se crée lui-même sa propre histoire. Ce que je tente de faire, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est d'être capable de, oui, de toucher parce que ça revient souvent, mais lorsque je ne suis plus là, lorsque la performance elle est terminée lors du vernissage, je veux que l'installation continue à vivre d'elle-même et c'est par différents médiums, que je laisse la place, la permission aux regardeurs de s'approprier l'œuvre et d'aller plus loin. Voilà. Ben, Isabelle Clermont, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, je vous invite, en tout cas, public amateur d'art et surtout d'authenticité, d'aller visiter l'exposition. Voilà. Donc, Abîme du toucher est présenté au Cercle jusqu'au 20 avril. On fait une courte pause. On écoute un extrait de la pièce « Inertie ». Voilà, l'émission L'aérospatiale tire déjà à sa fin, mais avant de terminer, j'ai quand même plusieurs choses à vous présenter, plusieurs événements. Jeudi prochain, à midi, il y a un encore d'œuvres d'art au profit de Gris Québec qui a lieu à la salle des promotions du Séminaire de Québec sur la rue de la Vieille Université. Vous pouvez réserver et acheter vos billets au 88-523-5572 ou sur le site grisquebec.org. Pardon. À l'encore, il y aura des œuvres de Jocelyne Alloucherie, Jérôme Fortin, Jean Gaudreau, Mathieu Lacan, Hugo Landry, Jean-Pierre Larocque, Winston McQuaid, Guido Molinari, Robert Roussel et Benoît Simard. Également, jeudi à 17h, il y a l'événement dont Simon Roy vous parlait en début d'émission où on lancera justement l'album qu'on a entendu aujourd'hui. Donc, présenté par Folliculture, beaucoup de bruit pour voir encore, encore. Donc, il y aura projection de vidéos, écoute d'art audio, pendaison de crémaillère. C'est au 335 Saint-Joseph-Est, local 500. C'est au 5e étage. Donc, armez-vous de votre... santé physique. Vendredi à 17h, c'est le vernissage de Caroline George à la bande vidéo qui présentera Repère, également à la même heure, toujours à Méduse, à vue. Il y aura le vernissage des expositions de Charles Fleury et de Stéphanie Requin-Tremblay et présentation des nouvelles publications de vue, village et mégantique. Puis après ça, ben, vous pouvez vous diriger au lieu pour la soirée de performance qui aura lieu à 19h qui s'intitule « Penser, attaquer, construire », donc qui aura des performances de Christophe Barbeau, Christine Brault, Marie-Claude Gendron, Steven Girard avec DJ Boris et Team Rocket, donc une soirée au profit des finisseurs du bac en art visuel de l'Université Laval. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je remercie mes invités et collaborateurs, Jacques Gignac, pour son travail à la mise en onde, et je vous laisse avec Jules Chaumel et son Folk d'Amérique.